Bonjour, bienvenue à vous sur patriote.info pour une entrevue exceptionnelle avec Christian Cotten et Thierry Cadil. Bonsoir à vous deux. Bonjour. Bonjour. On est. Ça dépend de l'heure. On triche un peu avec les horaires. Mais finalement, ça reste bonsoir quand même. Bon, ça reste bonsoir pour ceux qui nous regarderont. Ouais, alors, bonsoir. Je vous avais reçu tous les deux il y a déjà maintenant, ça fait quelques mois. Alors, le micro bien prêt, patiente. Ah, voilà, oui, sinon on va avoir encore des petits soucis de son, ce serait quand même dommage. Et donc ce que je voulais, vous étiez venu pour expliquer les problèmes d'une affaire très très grave que je vais rappeler vite fait pour ceux qui n'avaient pas vu. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle est sur mon compte. Donc c'était le décès de ta maman qui avait été maquillée, on va dire, avec il y a eu un trafic d'organes, trafic d'état civil. Enfin, c'est une affaire un peu complexe que voilà. Je vous invite à regarder la vidéo pour la comprendre. Mais en fait, c'est un peu comme une pelote de laine en tirant, et vous avez maintenant découvert un peu le poteau rose, qu'on pourrait dire. Oui, vraiment. Là, on tient vraiment, en tout cas, la ficelle qui démaille tout l'ensemble. Ce qui permet de comprendre, et en de plus, comprendre. comment ce fut possible, en fait, dans l'affaire, justement, qui concernait ta maman, comment il y a eu des actes civils en double, etc., des choses incroyables. Et là, maintenant, vous avez découvert, en fait, comment tout ça est possible, comment tout ça, s'articule, voilà. Alors, c'est vrai que là, aujourd'hui, on détient toutes les pièces. Si on veut, pour résumer, pour imager, c'est comme si on avait donc des pièces de puzzle en vrac. Et avec Christian, on a mis du temps. On a reconstitué à travers donc la citation dont il parlera tout à l'heure. Oui, on va parler de tout ça. On a donc reconstitué tout le puzzle. Et aujourd'hui, donc, l'ensemble, vraiment, l'image, elle est claire. Elle sera pour tout le monde. Elle l'est aujourd'hui devant pour les tribunaux. La preuve, c'est que à peine la citation déposée, donc on a été contacté donc par un journaliste connu. En tout cas, bien connu. Apparemment, ils sont prêtés puisqu'on n'a plus de nouvelles de leur part. Mais on peut comprendre. Parce qu'au vu, en tout cas, de ce que nous allons développer par rapport à ce que nous avons découvert, je pense que l'heure est extrêmement grave et chaque citoyen est concerné, mais plus que concerné. Je laisse la parole à Christian pour se présenter, pour aller un petit peu plus loin dans le sujet, et j'interviendrai tout à l'heure. D'accord. Alors, Christian, déjà, il faudrait revenir peut-être un peu à la genèse de tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un état civil et à quoi ça peut servir, pour qu'on comprenne un peu où est-ce qu'on va. Tu veux, Thierry va répondre à cette question. Thierry répondra à cette question. Non, je peux répondre tout de suite, parce que c'est vrai que... Pour qu'on comprenne dans l'ordre un peu, Et je pense que c'est bien de savoir ce que c'est que l'état civil. Alors, l'état civil est né en 1839, en tout cas officiellement, ce qu'on connaît aujourd'hui. Si on veut le résumer, ça représente l'ADN administratif. Il y a l'ADN humain. Et donc, on a donc une sorte de fait, l'identique, mais administrativement, ça s'appelle un acte d'état civil. Il se trouve que ça a été mis en place avec toujours un élément de peur à l'époque. C'était celui de pouvoir de tomber sur un criminel qui ne pourra jamais être interpellé devant les tribunaux. Et donc, grâce à l'état civil, c'est comme ça qu'on interpelle une personne devant la justice. L'état civil, c'est vraiment le socle du système de notre société, de fonctionnement, parce que sans état civil, on ne peut pas avoir de compte bancaire, on ne peut pas avoir de compte de travail, de permis de conduire, d'assurance, propriétaire d'une maison. C'est-à-dire que finalement, ce qui gère notre quotidien, c'est l'état civil. Et là, il faut vraiment bien le comprendre, sans l'état civil, tout s'écroule. Donc, c'est important vraiment de comprendre le rôle qu'a l'état civil, et puis de voir que c'est en 1839 que ça a été mis en place, donc c'est pas si vieux que ça, ouais. Et que finalement, aujourd'hui, on tend à mélanger l'ADN administratif avec l'ADN humain. C'est ce qu'on appelle le biométrique. Voilà. Alors, je vais répondre peut-être pas à ta question. L'histoire de Thierry, on ne va pas revenir dessus en détail, juste quelques mots-clés, des autopsies plus que douteuses, totalement incertaines, après le décès d'Eliane Kabil, trois numéros d'admission à l'hôpital, un cercueil qui disparaît, le jour d'une exhumation, on retrouve un cercueil qui n'est pas celui du jour de l'enterrement, et puis dans la boîte, on retrouve une bouillie de plusieurs cadavres. avec derrière cela un refus de l'institution judiciaire de poursuivre qui que ce soit, alors qu'il y a une accumulation d'irrégularités dans le dossier. Un certain nombre de procédures judiciaires se mettent tout de même en place. La dernière en date, poursuite mise en cause de la responsabilité de l'État par assignation de l'agent judiciaire de l'État. Il y a un appel le 9 mai prochain auquel nous invitons tous ceux qui ont cet après-midi-là de possible, de libre, à venir assister à la cour d'appel de Paris, salle Henri Vassogne à 15h15, pôle 2, chambre 1. Voilà, pour les informations, ça me paraît important de les donner. C'est aussi le jour de mon anniversaire, alors je serais ravi d'accueillir beaucoup de monde ce jour-là dans cette salle. Ça, c'était la toute dernière, l'avant-dernière, puisque nous venons d'enclencher une nouvelle procédure judiciaire, qui, celle-ci, est une citation directe de M. Jean-Pierre Blasi, député maire de la ville de Gonesse. C'est lui le responsable juridique, d'un point de vue civil comme d'un point de vue pénal d'ailleurs, de ce qui se passe en matière d'état civil dans sa mairie. À quoi est-ce que nous sommes arrivés après moult péripéties, passage réitéré de Thierry à la mairie de Gonesse, petite vidéo faite en caméra cachée au mois de novembre avec le directeur général adjoint des services, un certain Michel Coll, en compagnie de deux collaborateurs du service de l'état civil, dont la personne qui a signé à nouveau des actes que nous considérons en ayant les bonnes raisons de le faire comme parfaitement faux, devant nous, devant Thierry, devant un témoin qui l'accompagnait et qui filmait. Et ça, c'était, je crois, le 17 novembre de l'année dernière. Nous avons enclenché une citation directe, tout simplement parce que nous démontrons que la mairie de Gonesse, en quelque sorte, tient une double comptabilité des actes d'état civil en se fondant sur un logiciel craqué. Alors ça, c'est... Non, mais c'est stupéfiant. Alors, oui, attends, c'est assez stupéfiant parce que nous avons mis plusieurs années à comprendre cela, alors qu'en fait, nous avions les éléments pour le comprendre, mais on a été très stupides parce qu'on a été très lent. Il a fallu que différentes choses nous permettent de comprendre par étapes ce qui avait bien pu se passer avec les faux actes d'état civil de la mère de Thierry. En résumé, très, très brutalement, il existe dans le système informatique et sur les papiers, dans le registre physique de l'état civil de Gonesse, deux actes qui portent le même numéro, en l'occurrence le numéro 90. Un de ces actes est au nom d'Eliane Kabil. L'autre acte est au nom de Henriette Bergeron, qui n'a rien à voir avec toute cette histoire. Qui est une brave dame qui est morte à l'âge de 100 ans, très vraisemblablement d'une pathologie qui, sur les papiers, est comparable à celle d'Eliane Kabil. Ça explique un certain nombre d'opérations aussi, ça, mais oublions pour l'instant. Ces deux actes d'état civil portent le numéro 90. Deux personnes différentes. Ils ont été signés par le même adjoint au maire, officier d'état civil, un certain Patrice Richard. Mais ce n'est pas tout, là où ça devient un gag, c'est que ces deux actes ont été établis le même jour, pour deux décès qui ont 8 jours d'écart. Déjà, c'est absurde, puisque un décès, ça doit être enregistré en 24 heures à la mairie. Là, on a 8 jours d'écart. Même officier d'état civil qui signe les deux actes de décès, le gag, c'est que c'est le même jour, à la même heure, et à la même minute. Alors que l'on me trouve un logiciel aujourd'hui par internet ou ailleurs qui est capable d'enregistrer au même instant deux informations qui portent le même numéro d'ordre, sachant qu'il y a un impératif dans la numérotation des actes d'état civil. Oui, c'est, on peut pas. C'est ça n'existe pas. C'est un acte par page. C'est un acte par page, donc deux actes sur la même page avec le même numéro. Déjà, c'est juridiquement impossible. Mais ce qui est très intéressant et que nous avons mis si longtemps à comprendre, c'est que c'est informatiquement impossible. On ne peut pas rentrer deux fois la même personne à la même minute sur le même logiciel. Ça joue pas. D'accord ? Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la mairie de Gonesse dispose de deux logiciels, ou plus vraisemblablement, d'un seul et unique logiciel craqué, c'est-à-dire dont les failles, dont les seuils de sécurité ont été dépassés. Et une fois qu'on est de l'autre côté de la sécurité, eh bien, l'on fait ce que l'on veut. Donc on est face à quelque chose de effectivement assez lourd comme dossier, parce que ça, Thierry va pouvoir y revenir avec des exemples très concrets. La mairie de Gonesse n'est pas la seule dans ce pays à pratiquer des faux actes d'état civil. Parce que c'est incroyable, parce qu'un acte d'état civil, pour qu'on comprenne bien et que ceux qui nous regardent comprennent bien, avec un acte d'état civil, on fait beaucoup de choses, on fait tout. Hein, vous pouvez acheter, vous avez besoin pour acheter une maison, acheter un, pour hériter, pour prendre l'avion, pour des papiers. Mais ce qui veut dire que si sortir, c'est-à-dire que quelqu'un en fait qui a un contrôle sur sur justement la possibilité en tout cas de trafiquer des états civils, il a une possibilité incroyable c'est une mafia mais incroyable. Il peut faire des faux papiers, faire des faux crédits, acheter des fausses maisons, même se soustraire de la justice, peut-être même tuer quelqu'un, je sais pas, parce qu'on peut trafiquer les... enfin c'est complètement incroyable. Exactement, incroyable. On pourrait dire c'est comme la lampe d'Aladin. C'est vraiment celui qui détient ça, c'est comme une baguette magique, il peut faire tout et tout. Et c'est tellement grave, je sais même pas si vraiment on a si on peut vraiment comprendre vraiment l'ampleur vraiment de ce qui se passe. Parce que déjà, Maître à l'époque avait dit si les trois actes ne sont pas considérés par les juges de l'époque, c'est comme si, et qu'ils autorisent du coup les faux en écriture publique, c'est un tsunami qui va se passer donc au niveau sociétal. Et aujourd'hui, donc, on a en tout cas tous les éléments, toute la preuve qu'il y a une double comptabilité qui est tenue par le maire de Gonesse. Et Je ne sais pas comment cela va être géré par les juges, parce que si, à l'époque, ils ont pu jouer avec nous, parce que effectivement on a jeté des pièces du puzzle sur la table sans pouvoir faire le lien avec chacune des pièces et donc pouvoir monter le puzzle. Et donc, en gros, c'est ça. On n'a pas monté le puzzle. On a juste présenté les pièces. On a décrit chacune d'entre elles, mais sans faire le lien et sans les assembler. Mmh. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont joué jusqu'à l'heure avec nous et qui nous ont fait tourner en rond. Mais aujourd'hui, stop, c'est fini. On a compris ce que vous faites, on a compris qui vous êtes. Et là, franchement, j'invite fortement toutes les personnes à venir le 9 mai au tribunal, parce que ça va être vraiment une pièce de théâtre que personne ne va oublier. Parce que je ne sais pas comment ils vont la jouer, cette pièce. Alors ça, c'est la prochaine pièce. Il y en aura une autre, qui est le 11 octobre, où là, c'est la première audience de fixation, on appelle de fixation, pour la citation directe contre le maire de Gonesse. Alors ça ne sera pas la séance de plaidoirie, ça sera une séance préparatoire, mais ça vaudra largement la peine d'être présent également, parce que vraisemblablement va se jouer là un débat sur la non-recevabilité de la citation ou la nullité de la citation. Nous leur réservons quelques surprises dans ce débat-là de toute façon. Ce que je voulais ajouter à ce que tu disais tout de suite, Dépa, ce que complétait Thierry, sur le marché que j'allais appeler noir, mais qui ne l'est peut-être pas tant que cela, il est plutôt gris, sur le marché, un vrai faux ou un faux vrai passeport, ça vaut, d'après des sources que je considère plutôt bien informées de par leur expertise professionnelle, ça vaut 1 700 €. Alors, à partir du moment où, en tant qu'officier d'état civil, avec un logiciel craqué, je suis capable de faire deux faux actes de décès, comme on en a parlé tout à l'heure, sachant que dans l'affaire Kabyle, il y en a encore un troisième faux, qui est l'acte numéro 81, qui lui aurait été établi 8 jours avant le numéro 90. On démontre aussi dans la citation que nous publierons sur Internet d'ici peu de temps. Elle n'est pas encore publiée, mais ça ne va pas tarder. Elle a déjà circulé par email. Pas mal de gens l'ont déjà reçue. Mais nous allons la publier sur site pour les personnes qui veulent voir dans le détail, avec toutes les pièces qui vont avec. C'est vraiment un dossier que je trouve personnellement, Thierry parle de dossier dramatique, moi je trouve ça très drôle, parce que on a effectivement toute une pratique culturelle mafieuse en réalité, qui est mise en œuvre par des agents de la fonction publique, qui est en train de se dévoiler, qui est en train d'être mise à jour, et de manière extrêmement visible et extrêmement lumineuse. Personne ne nous répond jusqu'à présent. Il y a un aspect qui est important dans le dossier, c'est la forfaiture judiciaire. Il y a le dossier de Thierry Kabil, il y a les crimes commis par la mairie de Gonesse. Parce que quand on parle de faux actes d'état civil, on parle de faux en écriture publique commis par des agents ayant autorité. Et là, on est dans le crime, on n'est plus dans le délit. Le faux en écriture publique par un agent de l'État, c'est 15 ans de prison et beaucoup de chiffres de zéro derrière, derrière l'unité pour les amendes. On est dans le crime. On n'est plus dans un simple délit. Parce que précisément, c'est fondamental l'acte d'état civil. Et aujourd'hui, on va être obligé, nous sommes obligés de mettre en cause aussi la société logicielle. Alors, nous la convoquons uniquement comme témoin pour le moment, mais il y a un problème là-dessus, puisque lorsque Thierry a téléphoné à une responsable commerciale pour la région Île-de-France de ce logiciel, elle lui a effectivement confirmé, on ne peut plus clairement, que non, le cas de figure que vous me présentez est strictement impossible avec notre logiciel, qui est parfaitement sécurisé. Sauf qu'il y a des gens à la mairie de Gonesse qui savent le craquer, et pas seulement à la mairie de Gonesse. Thierry, je vais te passer le micro. Ouais. Parle-nous de Bordeaux. Oui, parce que vous découvrez que votre cas n'est pas isolé. Nous nous apercevons que le trafic d'actes d'état civil, de naissance, de décès, il n'y a pas que la mairie de Gonesse qui pratique. Il y a la mairie de Bordeaux et, semble-t-il, aussi la mairie de Boulogne, où précisément Thierry travaille. Ce qui peut expliquer pourquoi on l'a un petit peu embêté ces dernières années, parce qu'il était en train de mettre son nez là où il ne fallait pas. Alors, sur la mairie de Boulogne, enfin, je parlais plutôt de la famille Habitbol, mais bon, là, à chacun de regarder. Je ne connais pas leur histoire entièrement, mais il se trouve effectivement qu'ils ont fait une vidéo qui circule sur le net et que tout le monde peut y accéder. Plusieurs vidéos ont été faites par rapport justement à une fraude qu'ils dénoncent. Concernant la mairie de Bordeaux, là je peux en parler plus précisément parce que c'est une personne que j'ai rencontrée, avec qui on a échangé plusieurs fois, suite justement aux trois actes de décès qu'on a donc diffusés sur internet. Et comme cette dame était en recherche, justement, elle voulait voir si elle était un cas isolé, elle a été donc ravie, sécurisée, de voir qu'elle n'était pas un cas isolé. C'est une personne qui avait donc son père en tout cas avait donc un immeuble dont elle aurait dû hériter, et il se trouve que c'est sa cousine dont l'identité a été substituée à la sienne et qui se retrouvait donc héritière. Le gag, c'est qu'elle travaille à la mairie de Bordeaux. Donc elle était bien placée justement pour pouvoir accéder à cette modification, mais c'est extrêmement grave. Et je pense que malheureusement, nous ne sommes pas des cas isolés, parce que les recherches qu'a fait cette dame à Bordeaux nous expliquent que c'est à partir des numéros de sécurité sociale que cette fraude s'opère. Et donc c'est vraiment le vivier, c'est la base de données qui permet toutes les fraudes inimaginables dans ce sens. Je ne sais pas vraiment comment on peut qualifier également le comportement qu'on appelle ça, de l'agent judiciaire de l'État. Parce que lui... Alors, qui est l'agent judiciaire de l'État, son rôle, pour que les gens comprennent? Le rôle de l'agent judiciaire de l'État, c'est donc le responsable de toutes les administrations françaises. Et quand on l'interpelle sur un sujet aussi grave que ça, il aurait dû, au minimum, mener une enquête, mais surtout pas nous ridiculiser comme il a cherché à le faire. Et mieux encore, il a ignoré les trois actes qu'on lui a présentés dans toutes les écritures, dans tous les échanges qu'il y a eu entre notre avocat. Mais aujourd'hui, son jeu s'arrête là, parce que nous avons tous les éléments qui montrent que le rôle qu'il a joué est un rôle de couverture par rapport à ces criminels. Et il va falloir qu'il s'explique sur son comportement, parce que, y compris les juges qui l'ont suivi, il n'aurait pas dû le faire. Et là, c'est une faute extrêmement grave qui va leur coûter extrêmement cher, en tout cas. Oui, juste pour compléter, puis peut-être terminer, parce que je crois que c'est bien qu'on fasse court sur ce dossier. Oui. Juste pour compléter, effectivement, nous avons poursuivi l'agent judiciaire de l'État, qui est le personnage public que l'on poursuit lorsque l'on met en cause la responsabilité de l'État. Et là, la responsabilité de l'État sur ce dossier de Thierry Kabil, elle est pleine et entière à différents niveaux pour un ensemble de voies de fait, de délits de justice, de dysfonctionnement des services de la justice. Parce que, en fait, ce dossier met tout autant en cause, en dehors de Gonesse, met tout autant en cause l'institution judiciaire elle-même et les plus hauts représentants de l'État. Il faut savoir quand même que le dossier Thierry Kabil a circulé très clairement dans un certain nombre de ministères depuis plusieurs mois, peut-être un an et demi, deux ans maintenant, que beaucoup de gens sont informés de ce dossier et que la seule réponse des représentants de l'État, c'est la loi de l'omerta. C'est ça qui est grave, qui est le plus grave. C'est-à-dire que dans l'institution, dans les institutions de l'État aujourd'hui, quantité de gens savent à quel point les actes d'État civil sont trafiqués. Une des preuves, on l'évoquait tout à l'heure avec Thierry, c'est qu'en 2012, une société a développé un produit, un papier tout simplement, réservé aux mairies pour sortir les actes d'État civil, de telle sorte que ce papier soit quasiment infalsifiable, infotocopiable, qu'il soit impossible de le réutiliser pour faire des faux. Le problème, c'est que le problème des fraudes à l'État civil, dont l'État est parfaitement conscient, ce n'est pas à l'extérieur qu'il se passe, c'est à l'intérieur du système. C'est là que partent, c'est de là que partent les fraudes. Et elles sont couvertes par le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, qui est en charge juridiquement de surveiller la bonne tenue des registres d'état civil par les mairies. C'est lui qui est en charge. Le parquet de Paris, notamment, comme celui de Pontoise précédemment, ont été largement informés de ce dossier et tout le monde répond « Omerta, omerta, omerta ». On fait semblant de ne pas voir les papiers, on fait semblant, on répond à côté, avec des réponses comme « c'est pas très grave parce que ce sont quand même les mêmes informations qui sont sur les deux actes qui concernent Madame Kabil, donc on s'en fout ». Voilà, il y a deux actes d'état civil, mais c'est pas grave, c'est le même. Silence, la plupart du temps, silence. Silence de l'agent judiciaire de l'État, silence des juges de première instance au civil, silence des juges de première instance au pénal, lorsque l'on a poursuivi aussi l'année dernière l'agent judiciaire de l'État. Il y aura une date, là, je crois, le 12 septembre. Et vous attendez toujours la fameuse date, oui, pour... On les a maintenant. On les a, 9 mai, 12 septembre, c'est l'agent judiciaire de l'État qui est poursuivi au pénal, en appel. Et 11 octobre, c'est la première séquence de la citation directe contre le maire de Gonesse, monsieur Jean-Pierre Blasi. D'ailleurs, le maire de Gonesse, il réagit comment? Ai-je cité le nom du logiciel concerné? Non, tu peux... Alors je crois que ça me paraît important. Oui. Le logiciel concerné dans cette affaire, c'est le logiciel Mélodie, d'une société qui s'appelle Arpège, qui est installée près de Nantes. C'est un logiciel qui est agréé par le Trésor public, qui est agréé par l'INSEE, et qui, selon les chiffres de l'INSEE ce logiciel gère la moitié des actes d'état civil français. L'autre moitié est gérée par d'autres plus petits logiciels, moins coûteux, qui sont plus facilement accessibles économiquement parlant par les petites communes. Le logiciel Mélodie a la moitié du marché, ce sont des marchés d'État, sur appel d'offres, très techniques, avec évidemment des exigences au moins théoriques d'un très haut niveau de sécurité. Ils sont même labellisés par l'État. Non, ils sont labellisés par l'État, très clairement. C'est-à-dire ils sont agréés par l'État. Ils sont agréés, bah oui, on n'imagine pas que la mairie de Danière ou d'Épinay utilise n'importe quel logiciel bricolé sur un coin de table. C'est un logiciel d'État, en quelque sorte. Or, ce logiciel est très largement craquable. Nous en apportons toutes les preuves dans le dossier. Rendez-vous le 9 mai, rendez-vous le 12 septembre, rendez-vous le 11 octobre. Il y aura sur politiquedevie.com, sur nos pages Facebook, Eric Kabil, Christian Cotten. Nous mettrons au fil du temps toutes les informations nécessaires. Voilà, je propose qu'on boucle là. On va boucler là, mais également, c'est une information également importante, c'est que nous avons donc, à l'issue de... ces événements donc sorti deux livres. Donc, oui. Maître sortira donc un livre. Maître Dominique Kounkou donc a écrit un livre parce que c'est vrai que c'est rare qu'un avocat donc écrive sur un sujet qu'il défende. Mais là, il n'avait quelque part pas le choix parce que ils sont capables de mener des enquêtes concernant l'avocat pour l'empêcher de travailler. Mais je connais ça, je confirme. Mais mener des enquêtes dans ce dossier pour avoir la vérité, pour arriver là où nous sommes arrivés, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes arrivés là, c'est que nous avons nous-mêmes mené ces enquêtes, et aujourd'hui, nous avons donc tous les éléments de preuve, mais c'est des preuves qu'ils auraient pu eux-mêmes trouver. Et donc il y a deux livres qui vont sortir, donc celui donc, de Maître Dominique Kounkou, qui s'appelle L'affaire Kabil, et puis il y aura donc également mon livre qui sortira, qui s'appelle donc Le meurtre d'Eliane Kabil. Donc ce sont deux livres qui parlent du même sujet, mais d'une façon différente, puisque un aborde tout l'aspect juridique, également tout le parcours qu'a franchi donc Maître Dominique Kounkou, avec les difficultés, avec les menaces, avec les mises à pied, Il a eu beaucoup de problèmes aussi, apparemment, votre avocat, c'est ce que ben j'ai expliqué. Parce que... En plus, tout ça est toujours connecté, l'ordre des avocats lui a... C'est bizarre parce que dans toutes les affaires sensibles comme celle-là, et moi-même je connais très bien, c'est toujours, on tape sur l'avocat de toujours pour aussi l'empêcher de défendre. Alors, et quand on tape pas sur l'avocat, c'est que ils ont la main sur lui. Et que finalement, ils savent le contrôler. C'est, oui, quand c'est un avocat, évidemment, incorruptible. J'ai eu le cas, malheureusement, avec Maître Gilbert Collard. Et franchement, si on a été condamné à 15 000 euros d'amende par rapport à cet avocat, donc lui, il sait pourquoi, mais nous aussi, on sait pourquoi. Et donc, c'était vraiment voulu. Il fallait quand même affaiblir la famille. Et c'est une technique malheureuse, mais qui est très courante. C'est dingue, c'est cette affaire reflète vraiment à la fois le système judiciaire, l'escroquerie des mairies, et que tout le monde se tient les uns les autres, et il y a une solidarité quand même qui est pesante. Ouais. Voilà, super. Eh ben merci à vous. Donc juste on va rappeler, pour ceux qui voient la vidéo, rappelle le rendez-vous de la prochaine audience le 9 mai. 9 mai 15h15, salle Henri Vassogne, cour d'appel de Paris. Palais de justice, Île de la Cité. Ce n'est pas au nouveau Palais de justice. C'est bien à Paris, Île de la Cité. La cour d'appel reste au Palais de justice. Voilà. Eh bien, vous avez les informations. N'hésitez pas à vous rendre là-bas pour soutenir Thierry, que vous retrouverez Christian, parce que c'est une affaire incroyable. Merci à vous deux. Et puis, de toute façon, on reste en contact. On vous tiendra informé, évidemment, des suites de l'affaire. Et à la sortie de tes livres, tu viendras aussi nous en parler. Tu seras bienvenu. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Salut à tous.